Des interventions, je vais être très brève. Je voulais d'abord remercier l'ensemble des intervenants pour les questions qu'ils ont soulevées les uns et les autres au cours de ces trois journées. Je voulais remercier également le public qui est venu, je l'ai dit tout à l'heure, de manière relativement assidue et qui a permis que les débats soient aussi riches que ceux qu'ils ont été. Ce que je voulais vous dire, je l'ai évoqué ce matin lors de l'introduction, c'est que le séminaire se clôt aujourd'hui, mais le travail se continue sur cette question de la marche en ville, avec trois pistes de prolongation. La première, c'est celle de la valorisation. Donc, vous pourrez écouter à nouveau les interventions et les débats d'aujourd'hui sur le site web du laboratoire, comme ce fut le cas lors des deux précédentes séances, d'ici une quinzaine de jours à peu près. L'idée au niveau de la valorisation, c'est, je vous l'ai dit ce matin aussi, la rédaction d'un ouvrage sur cette question de la marche en ville, qui, plutôt que de n'être qu'une compilation des différentes interventions que vous avez pu entendre, serait plutôt un ouvrage qui proposerait une discussion critique à partir des thématiques qui ont été abordées et qui pourrait donner lieu à des lignes de problématisation sur cette question de la marche. En tout cas, c'est un peu le sens que je souhaiterais donner à cet ouvrage-là, et c'est de cette façon-là que je l'ai présenté aux intervenants et que ceci devrait nous donner différents papiers dans les semaines qui arrivent. La deuxième piste de prolongation de ce séminaire, c'est la mise en place d'un programme de recherche sur cette question de la marche en ville, avec l'idée de construire la marche comme un véritable objet de recherche, objet qui viendrait réinterroger le laboratoire sur ses propres problématiques, sachant que nous sommes à une période de reformulation des problématiques du laboratoire pour l'UMR. Et puis la troisième piste de prolongation, qui est concomitante aux deux premiers, c'est la mise en place de collaborations scientifiques avec des milieux disciplinaires différents, et peut-être avec des milieux disciplinaires avec lesquels nous n'avons pas l'habitude de travailler, nous, laboratoires Cresson, jusqu'à présent, sachant que depuis la première séance, effectivement, des liens se sont un petit peu tissés à droite et à gauche, donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur ces liens et de monter peut-être des projets de collaboration ensemble. Voilà, donc je clôt la journée sur ces quelques pistes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et je vous remercie encore de votre attention.